magie trafic. Chemchei. Hey yo mage, putain de pays du fromage. Un peu de Guana Spirit pour prendre le hip-hop en otage. Rap sale, dégueulasse, gluant comme un molar. Les petits spices de sous-trace de sang dans les calbars. Me prends pas avec des pincettes, je viens du 9-7. Le rap a un truc de fillette et je suis un loup pour les poulettes. Rien à foutre si t'es pas d'accord, ma technique Guana rap hardcore. Mets tes oreilles à ça qui te laisse mort. Ne confonds pas avec tes potes, confonds pas nos mouchoirs en coton à tes tampons mal propres. L'année est à nous. Tu peux pas prendre un lyrica, stop tes mains les panneaux. Mâche, fugis, fais gaffe car la priorité est à nous. Red calendar, hardcore news, people might remember. Un truc contagieux comme le palu. Qui c'est qui lume, qui c'est qui râle, qui c'est qui trime, qui c'est qui crame, qui c'est qui va saigner les bacs, qui c'est qui crame. On cherche la chaleur dans l'effroyable, au royaume du soleil froid. Tu sais bien qu'on n'est pas des saints. Le soldat venu de l'ouest des Indes, comprends-tu enfin notre dessein? On cherche la chaleur dans l'effroyable, au royaume du soleil froid. Tu sais bien qu'on n'est pas des saints. Le soldat venu de l'ouest des Indes, comprends-tu enfin notre dessein? Cette époque est à nous, entend le son des escrocs. Le rap nous colle aux couilles comme des escorts, girl. 97, y'a pas de star, pas de fenêtre. On est des holders, si basta. On a coup de langue, on fait des poussières de vos étoiles. C'est dead, posez vos armes, pourtant on est venu à poil. Vous faites la peine, on est de hyènes dans l'arène. Lâchez vos faux, réattachez vos chiennes. Talentueux comme Da Vinci. On a le code de la broussaille et à coup de ça, toujours on trouve ça. On les descend, une année rouge à feu et à sang. Génocide de MC, un mois décent. Merry Christmas, des voix venues des cieux glissent. Le Christ meurt et revit, m'a dit l'église. Imagine magie, chemche, comme Polanta sa caméra. Red calendar. The West Indian pour un classique. Deux cœurs de beat, un subtil mélange de sens et de technique. Cette année le soleil sera recouvert de voiles gris. Tu l'as entendu, on l'a écrit. The West Indian pour un classique. Deux cœurs de beat, un subtil mélange de sens et de technique. Cette année le soleil sera recouvert de voiles gris. Garde, voilà le red calendar. J'ai créé la technique, vous la laisse en héritage. Marque, dépose et laisse les téméraires creuser. Un style frais comme la rosée, ça va m'endoser. Ouvre ta bouche, on va t'arroser jusqu'à ce que t'en aies la nausée. Le niveau diminue alors nos styles aussi illuminent. Les loups-garons sont déliés, vagues de sang sous la pleine lune. Les M6 meurent vite à heure fixe, leur feuille vide. Ils veulent de leur vie, au péril de leur vie. Et quand je leur dis que leur dite arrive, leurs yeux sortent de leur bite. Ils ne voient pas plus loin que leur bite. La messe est dite. La vérité est écrite, lyrica supériorité brutalement décrite. Impossible de tester, oreilles des puces. Et en plus les M6 ne peuvent plus que nous sucer. Nous on les saigne, ils le savent, on le sait, on est sale. Combien de blessés on a laissé vivre. On va les dévaliser, leur voler, leur vivre. Même s'ils aiment pas, on redéfinit les dates. Voilà le red calendar. On cherche la chaleur dans l'effroyable, au royaume du soleil froid. Tu sais bien qu'on n'est pas des saints. Le soldat venu de l'ouest des Indes, comprends-tu enfin notre dessein? The West Indian pour un classique. Deux cœurs de beat, un subtil mélange de sens et de technique. Cette année le soleil sera recouvert de voiles gris. Tu l'as entendu, on l'a écrit. On cherche la chaleur dans l'effroyable, au royaume du soleil froid. Tu sais bien qu'on n'est pas des saints. Le soldat venu de l'ouest des Indes, comprends-tu enfin notre dessein? The West Indian pour un classique. Deux cœurs de beat, un subtil mélange de sens et de technique. Cette année le soleil sera recouvert d'un voile gris. Garde, voilà le red calendar.